Exercice 6, page 68. A. J'adore cette blogueuse. B. Tu l'as dit aux deux ? C. Ils viennent tous sauf eux. D. Je prépare un jeu de rôle. E. Je te sers un peu d'eau ? F. Tu as un euro ?